Fatal caprice de Napoléon. 2. Louis Constant Véry. Un matin, au camp de Boulogne, Napoléon, en montant à cheval, annonça qu'il passerait en revue l'armée navale en pleine mer. Il partit pour sa promenade habituelle et témoigna le désir que tout fût prêt pour son retour, dont il désigna l'heure. Tout le monde savait que le désir de l'empereur avait force de loi. On alla, pendant son absence, avertir l'amiral Bruix, qui répondit avec un imperturbable sang-froid qu'il était bien fâché, mais que la revue n'aurait pas lieu ce jour-là. En conséquence, aucun bâtiment ne bougea. De retour de sa promenade, l'empereur demanda si tout était prêt. On lui dit ce que l'amiral avait répondu. Il se fit répéter deux fois cette réponse, car il n'était pas habitué à tant d'audace. Et, frappant du pied avec violence, il envoya chercher l'amiral. Celui-ci se rendit sur-le-champ auprès de lui. L'empereur, qui trouvait que l'amiral ne venait point assez vite, le rencontra à moitié chemin de sa barque. L'état-major suivait Napoléon et se rangea silencieusement derrière lui. Ses yeux lançaient des éclairs. « Monsieur l'amiral, dit l'empereur d'une voix altérée, pourquoi n'avez-vous pas exécuté mes ordres ?»« Sire, répondit avec une fermeté respectueuse l'amiral Bruix, une horrible tempête se prépare. Votre Majesté veut-elle exposer inutilement la vie de tant de braves gens ?» Et en effet, la pesanteur de l'atmosphère et le grondement sourd qui se faisait entendre au loin ne justifiaient que trop les craintes de l'amiral. « Monsieur, répond l'empereur de plus en plus irrité, j'ai donné des ordres. Encore une fois, pourquoi ne les avez-vous pas exécutés ? Les conséquences me regardent seules. Obéissez. Sire, je n'obéirai pas. Monsieur, vous êtes un insolent. » Et l'empereur, qui tenait sa cravache à la main, s'avança sur l'amiral en faisant un geste menaçant. L'amiral Bruix recula d'un pas et mettant la main sur la garde de son épée. « Sire, dit-il en pâlissant, prenez garde. » Tous les assistants étaient glacés d'effroi. L'empereur, quelque temps immobile, la main levée, attachait ses yeux sur l'amiral, qui de son côté conservait sa terrible attitude. Enfin, l'empereur jeta sa cravache à terre, M. Bruix lâcha le pommeau de son épée, et, la tête découverte, il attendit en silence le résultat de cette horrible scène. « Monsieur le contre-amiral Magon, dit l'empereur, vous ferez exécuter sur le champ le mouvement que j'ai ordonné. Quant à vous, monsieur, continua-t-il en ramenant ses regards sur l'amiral Bruix, vous quitterez Boulogne dans les 24 heures et vous vous retirerez en Hollande. Allez !» Sa Majesté s'éloigna aussitôt. Quelques officiers, mais en petit nombre, serrèrent en partant la main que leur tendait l'amiral. Cependant, le contre-amiral Magon faisait faire à la flotte le mouvement fatal exigé par l'empereur. À peine les premières dispositions furent-elles prises que la mer devint effrayante à voir. Le ciel, chargé de nuages noirs, était sillonné d'éclairs. Le tonnerre grondait à chaque instant et le vent rompait toutes les lignes. Enfin, ce qu'avait prévu l'amiral arriva et la tempête la plus affreuse dispersa les bâtiments de manière à faire désespérer de leur salut. L'empereur, soucieux, la tête baissée, les bras croisés, se promenait sur la plage, quand tout à coup, des cris terribles se firent entendre. Plus de 20 chaloupes canonnières, chargées de soldats et de matelots, venaient d'être jetées à la côte, et les malheureux qui les montaient réclamaient des secours que personne n'osait leur porter. Profondément touché par ce spectacle, l'empereur voulut donner l'exemple du dévouement, et malgré tous les efforts qu'on put faire pour le retenir, il se jeta dans une barque de sauvetage en disant « Laissez-moi, il faut qu'on le tire de là. » En un instant, sa barque fut remplie d'eau. Une lame encore plus forte que les autres faillit jeter sa majesté par-dessus le bord, et son chapeau fut emporté dans le choc. Électrisé par tant de courage, officiers, soldats, marins et bourgeois se jetèrent dans des barques pour essayer de porter du secours. Mais hélas, on ne put sauver qu'un petit nombre des infortunés qui composaient l'équipage des canonnières, et le lendemain, la mer rejeta sur le rivage plus de 200 cadavres avec le chapeau du vainqueur de Marengo. Fin 2. Fatal caprice de Napoléon, de Louis Constant-Véry, lu par Isade en 2022.